الحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسأل الله أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. قال: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت أو تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب الله تعالى والسنة، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. تفضل. Les arguments avec lesquels sont attestés les noms et les attributs d'Allah sont le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. طيب، وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. Les noms, les attributs d'Allah ne sont attestés que par autre chose que ces deux arguments. C'est-à-dire le Coran et la Sunna, d'accord? De là, ce dont il est mentionné dans le Coran et la Sunna parmi ceux-là et qui est attesté à Allah. Son attestation est obligatoire. Ce dont à partir du moment où c'est affirmé dans le Coran et la Sunna, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Si tu dis le contraire, alors, comme on a vu dans certaines qawaïd, si c'est un ta'wil qu'ils ont dit, c'est-à-dire si c'est une interprétation, on regarde déjà si elle est autorisée, cette autorisation. Déjà, à la base, il n'y a pas d'interprétation autorisée. Mais quand on parle d'autorisée, c'est-à-dire dans la langue arabe, etc., hein, comme on a vu avec les Asha'ira, etc. Alors, à la base, celui qui renie un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est un musulman ou c'est un kafir? C'est un kafir. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il rejetait quoi? Un texte. D'accord avec moi? Maintenant, les ta'wil, les interprétations que certains peuvent faire, comme les Asha'ira, hein, on va regarder, nous, si les ulama ont kafar pour ce genre de choses. D'accord? Là, on va regarder. Parce que des fois, eux, ils ont une interprétation. Alors, ils ont des choubouhats, ils ont une interprétation. Ils te disent que la langue arabe est venue avec le majaz, le sens figuré, donc on a le droit c'est-à-dire d'interpréter les textes. Or, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le majaz, le sens figuré, c'est un tarout. Que les al-bida', les gens de l'innovation, ont pris comme divinité à la fin. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a un texte qui parle d'une sifa, d'un ism ou d'une sifa, hein, d'un attribut, tu les vois alors tout de suite revenir vers ce tarout, qui est le majaz. Non, ça c'est au sens figuré. Oui, mais ce n'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Non, c'est au sens figuré, parce que les Arabes, hein, parce que les Arabes ne comprenaient ces textes-là que par le sens figuré, car si vous les comprenez au sens propre, vous avez fait ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à quoi? À des êtres humains ou aux créatures. Voilà. Eux, c'est ça. Ils fuient de là à là. T'as compris? C'est-à-dire que le majaz, il existait, même chez les sahaba pour eux, hein, il existait. Alors que ça n'existait pas. Hein? Alors que ça n'existait pas, wahasha. D'accord? Ils partent de là pour dire ensuite, après, que pour ne pas plutôt affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as compris? Taïb. Donc, et c'est pour ça que certains savants disent que c'est des kuffars, fil haqiqa. Beaucoup de ceux qui parlent dans les noms et les attributs, hein, certains savants voient que ceux qui insistent un petit peu trop sur ça, ils voient que c'est des kuffars. Ils veulent bien éloigner le fait que ces gens-là, ils ont des ta'wils, des interprétations dans la langue arabe. Et que de ce fait-là, hein, on va éviter de les kafar directement, c'est-à-dire de les rendre mécréants directement. Mais ceux qui insistent, n'importe qui, Hein? Ils le rendent mécréant. D'ailleurs, le khilaf réel qui existe chez les petits-fils, les ahfad de la Jahmiya, qui sont al-Asha'ira, le khilaf en réalité, il n'est pas dans le fait est-ce que c'est des mubtadi'a ou est-ce que c'est des al-sunna ou des mubtadi'a. Non, le khilaf c'est est-ce que c'est des kuffar ou pas. Parce qu'à la finalité, alors, au final plutôt, les Asha'ira, qu'est-ce qu'ils disent? Allah n'est pas au-dessus de son trône. Ça, à la fin, ils le disent. À la fin, c'est ça. Le kalam d'Allah, à la fin, il est makhlouq. Ben oui. À la fin, ils le disent qu'il est makhlouq. Parce qu'eux, ils disent, c'est l'ibara an kalam illah. C'est le sens de la parole d'Allah. Mais ce n'est pas la parole d'Allah. Hein, le sens, après le sens, c'est quoi? C'est makhlouq. T'as compris? Voilà. Donc, et sans compter des autres, bon, après, ils sont Jahmiya, ils sont également Jahmiya dans quoi? Dans le bab de l'iman, c'est-à-dire qu'ils ont du irja dans l'iman aussi. Hein, qui disent que ils ont tout plein de ibarat, c'est-à-dire tout plein de paroles dans l'iman. Ils disent que al-amalu alamatun ala al-iman. Ils disent que l'amal, les œuvres sont quoi? Sont un signe de foi. Mais ils ne font pas partie de la foi. Ou c'est une condition de perfection. C'est pas totalement, ça rentre pas totalement dans la foi. La Sha'ira dit ça. D'accord? Tayyib. Donc, la Sha'ira, ala kulli hal, hein, ils sont, comment dirais-je, hein, ils sont égarés dans ces abouabs-là. Nous, en tout cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'à partir du moment où il y a le texte, nous l'affirmons. On affirme le texte sans ta'wil, sans ta'til, sans ish, sans tamthil et sans takyif. Voilà, khalas. Proprement. D'accord, comme il vient, en son sens propre. Dans son sens propre. Et ceux qui disent sens figuré, ça peut aller de la bid'a jusqu'au quoi? Jusqu'au kufr, qu'Allah nous en préserve. Vas-y, continue. Ce dont il est mentionné dans les deux. La négation, sa négation est obligatoire, ainsi que l'attestation de la perfection de son opposé. Voilà, ça on l'a déjà vu. Ça on l'a déjà vu. On a dit que si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, wa alaykoum salam wa barakatuh, ahla, khair, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est. Comment dirais-je? C'est le dhulm. L'injustice, il s'est exalté de l'injustice. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, comme on pourrait dire. Allah, voilà, si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'est pas injuste. Oui, voilà. Yani, si Allah subhanahu wa ta'ala, oui, voilà. Ça, si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'est pas injuste, affirme le fait qu'il n'est pas injuste, voilà. Forcément, on va quoi? On va venir avec la sifa, qui est le contraire de l'injustice, qui est quoi? La justice. Et là, on va l'affirmer. Mais on ne va pas l'affirmer simplement la justice. On va l'affirmer dans le plus haut de ses sens. Et dans la plus belle dans le plus beau de ses sens. C'est-à-dire que c'est la meilleure des justices. C'est-à-dire, s'il n'a pas d'injustice, Allah, forcément, il a quoi? Il a la justice, mais la meilleure des justices. D'accord? Et non pas simplement dire, voilà, il n'a pas d'injustice, il n'a pas telle chose, et il n'a pas telle chose. Non, il faut absolument affirmer son contraire. Son contraire dans la plus beau. Dans la plus belle des manières. T'as compris? Voilà, ça c'est obligatoire. Vas-y, continue. Ce dont l'attestation et la négation ne figurent pas en les deux, il est obligatoire de ne pas en parler. On ne l'atteste pas et on ne le nie pas, on ne les nie pas du fait que l'attestation et la négation ne figurent pas. Quant à la signification, on y fait une distinction. Si on veut signifier par là le sens d'une vérité qui convient à Allah, à Azawajel, cela est accepté. Mais si on veut signifier un sens qui ne convient pas à Allah, à Azawajel, il est obligatoire de le rejeter. Voilà. Ça, on en a parlé. Quand on a parlé, on va en parler dans Al-Jihad. Quand on va en parler, Inch'Allah, dans Al-Jihad. Ça, il va donner un exemple. Wa ma ma'na fa'in uri al-Tayyib. فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. Donc là, ni on a quoi? L'affirmation, ni quoi? La négation. Hein, ou le fait qu'il n'existe pas. D'accord? Si une parole, on ne sait pas. طيب. Normalement, tu vas me dire quoi, toi? Tu vas me dire, mais si cette parole-là n'est pas venue, normalement, on la refuse. Voilà. C'est vrai, c'est faux. Oui, ça, là-bas. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Donc, ça, c'est la règle de base. Mais pourquoi on fait ce tafsil-là? Pourquoi on détaille de cette manière-là, comme Cheikh veut le dire ici? Il veut simplement montrer une règle importante qu'il y a chez Ahl Sunnah. C'est qu'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils sont justes. C'est des gens qui sont justes. T'as compris? Ouais. Et que de peur de tomber dans un mauvais sens, alors ils vont regarder si ce texte-là a un bon sens, ou plutôt cette parole-là qu'on va ramener, un bon sens qui pourrait être qui pourrait être appuyé par le Coran et par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as compris? D'accord. Et ça, on va le voir avec quoi? Avec le jihad, inshallah. T'as compris? Donc en réalité, le sunna wal jama'a pourrait te dire, non, khlas, nous on s'arrête là. Nous, ce mot-là n'existe pas, ni dans le Coran, ni dans la sunna. Ils pourraient le faire, ça. Mm-hmm. Hein? Ouais. Mais par justice, ils vont montrer que soit c'est appuyé par le Coran et la sunna, ou soit c'est refusable. Ouais. C'est-à-dire que c'est refusable, on le refuse. Tu comprends? Mais pourquoi cela? Parce qu'il est possible également qu'on le dise à titre informatif. Ouais, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. Alors si nous on le dit à titre informatif, on a dit que par exemple, si on venait avec des mots qui étaient synonymes de sam'a, mm-hmm, je vais te dire oui. C'est possible, ça, oulala. Ou des synonymes du fait de voir, hein, yubsir, voir, regarder, mm-hmm, observer, kada, kada, kada. Si je le dis à titre informatif, mm-hmm, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai parce que c'est appuyé. Bah oui, c'est appuyé par le Coran. Et... voilà. Donc, de par cette justice, entre guillemets, mm-hmm, terminologique, des termes, c'est-à-dire, hein, de cette justice des termes, c'est-à-dire terminologique, si on peut appeler ça comme ça, hein, on voit et on pèse ce mot-là. S'il fait partie, ou s'il est appuyé plutôt par les textes, on peut le confirmer. On peut l'affirmer. Mm-hmm. D'accord? Mais on ne l'affirme pas, quoi, à titre descriptif. D'accord. C'est-à-dire à titre affirmatif. Non! Mais plutôt informatif. Informatif. T'as compris? Voilà. T'as compris maintenant? Mm-hmm. Donc nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une justice chez eux. Il y a une justice chez eux. Ils analysent le mot, il est bon, il est pas bon, sinon on le rejette. D'accord. D'accord. Mais attention, ça c'est si un mot, comme il a dit ici, ni il a été nié dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire rejeté par le Coran et la Sunna, ni il a été quoi? Affirmé. Voilà. C'est bien ce cas-là et pas un autre. Hein. Mm-hmm. T'as compris? Donc subhanallah, regarde Allah subhanahu wa ta'ala comme il est juste. Et comme Ahl Sunna ou le Jama'a sont justes. Tu me suis? Mm-hmm. Il dit ensuite. فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة وتضمن والتزام ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء الفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء ومنه الوجه والعينان والعينان واليدان ونحوها عفوا ومنه الكلام والمشية والإرادة بقسميها الكوني والشرعي فالكونية بمعنى المشية والشرعية بمعنى المحبة ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وتعالى لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. طيب. Donc là on a l'exemple du إثبات et du نفي. Vas-y lis. إثبات l'affirmation. Vas-y lis. Parmi les choses mentionnées qu'il convient d'appliquer à Allah, il y a tout attribut désigné par l'un des noms d'Allah Azzawajal que le mot s'applique à la totalité du sens ou en partie, ou qu'il désigne un sens sous-entendu. Voilà, puisqu'il y a le nom, ça y est, c'est direct. Puisque le nom, il incombe quoi? La sifa. Direct, il englobe la sifa, d'accord? Tout attribut désigné par l'un de ses actes comme s'élever au-dessus du trône, descendre au ciel de ce bas monde. Ça, on l'a vu juste avant. venir pour séparer entre ses serviteurs le jour du jugement, et ainsi de suite parmi ses actes dont les sortes sont indénombrables, sont comptées ses singularités. Voilà. Inversé. Allah fait ce qu'il veut. D'accord. Donc Allah fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Donc nous, là, c'est tout ce qui est affirmé par le Coran, la Sunna. Que ce soit un nom, que ce soit un attribut, on répète encore une fois, on l'affirme. D'accord. Bon, maintenant. Parmi les choses mentionnées qu'il convient également d'appliquer à Allah, il y a le visage, les deux yeux, les deux mains, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est des sifat dhatiya, et on les a vus. Ça aussi. Donc il y a les sifat fi'liya, il y a les sifat dhatiya, et tant qu'elles sont, bien entendu, affirmées, on les affirme. Il y a également la parole, l'exigence, la volonté, avec ces deux types, C'est-à-dire la volonté avec ces deux types. L'irada, on a dit que l'irada, la volonté, elle était de deux types, kauni et sharai. Vas-y. Ce qui concerne l'existence et ce qui concerne la loi divine. D'accord. Donc celle qui concerne l'existence, hein, l'universel, al kauni, c'est celle qui veut dire la mashia, qui a le sens de la mashia, c'est-à-dire la volonté, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala décide de ce qu'il veut, au moment où il veut et à l'endroit où il veut. Mm-hmm. D'accord. Celle-là, il n'y a pas de, comment dirais-je, hadith la tatakhallaf. Ça veut dire qu'à partir du moment où Allah a décidé, khalas. D'accord. Et il y a la shara'iyya, c'est-à-dire la volonté divine, la volonté qui a le sens de mahabba, c'est-à-dire l'amour de cette chose-là. Exemple. Allah subhanahu wa ta'ala veut que ses serviteurs l'adorent. D'accord. Mais est-ce que tous les gens l'adorent? Non. Donc Allah a voulu d'une irada shar'iyya, c'est-à-dire d'une irada kauniyya, c'est-à-dire il a voulu qu'il existe quoi, des kuffars et des musulmans. Allah a dit faminkum kafirun wa minkum mu'min, et ça sera jusqu'à la fin des temps. Donc il y aura toujours des kuffars, il y aura toujours des musulmans. Il a Allah subhanahu wa ta'ala, sa irada shar'iyya, elle est dans quoi? Elle est dans le fait qu'il l'aimerait et qu'il aime que tout le monde l'adore. Mais est-ce que tout le monde va l'adorer? Non. Et ça, c'est quoi? Si tout le monde ne va pas l'adorer, c'est quoi? C'est irada shar'iyya ou kauniyya? Kauniyya. T'as compris? Donc, il y a une différence entre vouloir des gens, vouloir quelque chose de quelqu'un, d'accord? Et ensuite, le décider pour lui. La forme, c'est-à-dire, t'as compris? Nous, on veut que nos enfants, pour te donner l'exemple, nous, on veut que nos enfants soient des gens qui sont droits. Ça, t'aimerais ça. Mais est-ce que ça va l'être? Est-ce que tu es sûr? Non. T'as compris? Tu as compris? Et justement, il est là, le test. Hein? Il est là. T'as tout compris. Voilà. Donc nous, on aimerait que nos enfants soient droits et soient des gens bien. Voilà, c'est qui décide ça? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux le décideront, les enfants, le décideront à travers ce que tu leur as donné. Ils vont décider, mais ils ont un libre arbitre à la fin. Si Allah les a guidés, alhamdoulilah, si Allah les a pas guidés, khair inshallah. Ah voilà, t'as tout compris. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut de ses serviteurs qu'il l'adore, d'accord. Ça, pourquoi je t'ai donné l'exemple avec un père et ses enfants? Afin que toi, tu comprennes également comment est le cas ici, ou plutôt afin de te schématiser ce qui est écrit là. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une irada kauniya et il a une irada shara'iyya. Les gens, à partir du moment où ils ont tout mélangé entre la irada shara'iyya et l'irada al-kauniya, d'accord, à partir du moment où ils ont mélangé entre les deux, ils n'ont pas compris qu'Allah, comment Allah peut vouloir une chose et entre guillemets la contredire par sa irada kauniya. T'as compris? T'as compris? Oui, ça, c'est... Mais s'ils avaient un peu réfléchi, ces gens-là, ils auraient compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le libre arbitre à ces gens-là, et qu'il y a quoi? Et qu'il y a un test en réalité. Parce qu'Allah, il le dit dans le Coran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin de voir lequel d'entre vous va mieux œuvrer que les autres. T'as compris? Donc, ce mélange-là, ce mélange entre l'irada al-kawniya et l'irada shar'iyya, celui-là, il existe énormément chez les mubtadi'a. Et c'est pour cela que chez les asha'ira, c'est ce qu'on appelle le kasb. Eux, ils n'ont rien compris. Ils ont ce qu'on appelle le kasb. Chez le qadariya, Et chez le Mu'tazila, eux, voilà, ensuite ils se divisent. Il y en a, ils voient que il n'y a aucune intervention, entre guillemets, intervention de la irada, de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les actes de ses serviteurs. Et d'autres, non. D'autres voient que c'est les serviteurs sont livrés à eux-mêmes, etc., etc. T'as compris? Ou alors que, plutôt, que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, plutôt, que c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est décisive sur eux, et que lorsqu'ils font zina, ou lorsqu'ils font quelque chose, ils sont, a'udhu billah, ils sont obligés de le faire. Hein, tu comprends? Et d'où aussi le fait que certains prennent, comment dirais-je, comme dalil, le qadar, pour faire leur bêtise. T'as compris? Ça, on l'a vu, ces messaïles-là. Ça, on a vu, ces questions-là. Ça veut dire, ils disent, je bois de l'alcool, après, il dit quoi? Il dit, oui, mais ça, c'est Allah qui a voulu. C'est toi qui l'as voulu, c'est pas Allah. Allah t'a éprouvé, mais c'est toi qui l'as voulu. Donc si on est capable, nous, de s'imaginer cette situation-là, c'est-à-dire hein, les deux iradat dans nos enfants, d'accord, à plus forte raison, on peut se l'imaginer chez qui? Entre Allah et ses serviteurs. T'as compris? Alhamdulillah. Voilà, là, je t'ai fait un résumé de ce qui se passe dans ce chapitre-là, qui est important. Qui est important, d'accord? Ensuite, il dit... Celle qui concerne l'existence, c'est l'existence, et celle qui concerne la loi divine signifie l'amour. Voilà, signifie l'amour. Donc, al-shar'i, tu te souviens quoi? Al-mahabba. La salat, la zakat, etc. Tout ça, c'est irada shar'i. Al-kawni, c'est al-maut. Allah a décidé qu'une personne va mourir là. Ou alors faire vivre une personne. T'as compris? J'ai juste une question par rapport au terme. Parce que shar'i, dans ma tête, il y a ibada, tu vois, adoration. Ouais. Et est-ce que il signifie l'amour, l'ibada? Ouais. Pourquoi? Parce que on va dire que l'adoration, c'est l'amour vers Allah. C'est, ouais, c'est aussi, aussi. Oui, ça. Aussi, d'accord. Aussi. Shar'i, c'est tout ce qui me ta'alak bichar, c'est-à-dire qu'Allah aime ça. D'accord, ok. Parce c'est... qu'Allah aime d'accord, la sharia. Ça, donc il nous... Oui, bah oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, il y a également la satisfaction, l'amour, la colère, l'horreur, et etc. L'horreur, carrément, c'est ça. Moi, c'est écrit, moi, c'est quand je l'ai lu, j'ai pas compris pourquoi l'horreur. Non, tu dis pas ça sur Allah, a'udhu billah. L'horreur. Que Allah soit horrifié d'une chose, a'udhu billah. Bref. Allah, c'est un karah, détesté. N'aime pas, ouais. N'aime pas, il dégueu. Voilà, ça le déteste, il déteste cette chose-là. J'ai horreur de cette chose-là, c'est détesté, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, horreur, bon vois, si c'est dans ce sens-là à la rigueur, mais ce que je préfère c'est dire ouais, détester. Détester. Voilà, après peut-être qu'ils n'ont pas voulu utiliser le mot dégoût. C'est pour ça que le karaha, t'aurais dit le fait de détester. Allah déteste cette chose-là, ouais. Oui. Mais horreur de cette chose-là, comme ça fait un peu bizarre. Ouais, je vois ce que tu le dis. Mot il est un peu lourd, tu vois, aux oreilles. Allah musta'an. D'accord. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça c'est thabit. Ça veut dire qu'Allah yakrah, Allah n'aime pas. Par exemple, wa kariha lakum. Al-qila wal-qal, comme c'est venu dans le hadith, Allah déteste le qil, c'est-à-dire il a été dit, et le qal, ou l'autre il a dit, les on dit quoi. Ouais, ouais, les on d'accord, dit. Voilà. Al-ghadab, ça, on l'a aussi, le mahabba, hein? Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbu man yasha, yuhibbukum Allah, comme c'est venu dans le verset, et rida aussi, rida, radiallahu anhum, comme Allah dit dans le Coran. Ensuite, il dit parmi les choses mentionnées qu'il faut refuser d'attribuer à Allah, Azza wa Jal, afin de les nier et d'affirmer la perfection de leur opposé, il y a la mort, le sommeil, la somnolence, l'incapacité, la fatigue, l'injustice, la mégarde concernant les actes des serviteurs, l'attribution d'un semblable et d'un pareil, etc. Là, c'est clair. Ça, c'est clair. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ces attributs-là. Et il faut absolument affirmer son contraire. D'accord? طيب. Ensuite, il dit: وَمِمَّا لَمْ يَرِدْ إِثْبَاتُهُ وَلَا نَفْيُهُ لَفْظُ الْجِهَةِ فَلَوْ سَأَلَ سَائِلٌ هَلْ ثَبَتَ هَلْ نُثْبِتُ لِلَّهِ تَعَالَى جِهَةً قُلْنَا لَهُ لَفْظُ الْجِهَةِ لَمْ يَرِدْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا وَيُغْنِي عَنْهُ مَا ثَبَتَ فِيهِمَا مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ وَمَا مَعْنَاهُ فَإِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنْ يُرَادَ بِهِ سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به فالأول باطل لمنافته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. طيب لي Parmi les choses pour lesquelles l'affirmation et la négation ne sont pas mentionnées. Regarde, là il donne le troisième cas. Ce troisième cas, il faut bien que tu médites dessus. C'est celui-là que j'ai parlé de la, entre guillemets, de la justice de la terminologie. Tu vois, des mots, etc. Que Al-Sunna, ils ont une justice et ils préfèrent des fois éviter de dire, de rejeter complètement le mot, etc., etc. Mais il n'empêche qu'il y a toute une procédure. Juste avant. Il y a toute une procédure, voilà. T'as compris ? Et en réalité, il y a très peu de mots ou très peu de choses qui peuvent, très peu de mots, oui, de termes qui peuvent, comment dirais-je, voilà, être dit à titre informatif à la fin. D'accord. En réalité, d'accord ? Surtout si c'est pas appuyé par le Coran et la Sunna. Mais regarde comment il va le dire là. Regarde. Il y a le mot ou l'orientation. L'orientation, c'est al-jihad. La direction, l'orientation, c'est al-jihad. D'accord ? Taïb. Si quelqu'un pose la question, est-ce que nous affirmons l'orientation à Allah Azza wa Jalla ? Tu vois l'orientation. Dire direction, orientation, t'as compris ? Voilà. Est-ce qu'on peut donner ça ? Parce que si tu dis ça, regarde, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ce mot-là ? Regarde ce qu'il va citer comme parole derrière ce mot-là. Comme compréhension plutôt. Nous lui répondons, le mot El-Jihad n'est pas mentionné dans le Coran et la Sunna. Que ce soit une affirmation ou une négation. Ce qui est attesté dans les deux sources, Coran et Sunna, comme quoi Allah est au-dessus des comme quoi Allah est au ciel, permet de se passer de ce mot. Voilà. Normalement, si lui, il vient avec ce terme-là, nous on lui dit, dans le Coran et la Sunna, il y a ça. Pourquoi rajouter jihad ? Pourquoi venir avec ce mot-là ? D'accord ? Mais ça, c'est le Jahmiya. Le Jahmiya, elle dit Allah n'est pas dans une jiha. Allah n'est pas dans une direction. Parce que si tu dis qu'il est dans une direction, forcément, tu lui as donné un endroit. Et l'endroit, il est créé. Comment Allah peut être dans une chose créée ? Voilà comment. T'as compris ? Ouais, voilà. T'as compris ? Alors que là, en vérité, nous, regarde comment on leur répond. Quant au mot orientation, on veut soit signifier l'orientation du bas, soit l'orientation du haut, qui embrasse Allah, soit l'orientation du haut, qui n'embrasse pas Allah. Voilà. T'as compris ? Donc il peut y avoir, ça peut sous-entendre ces deux compréhensions. Et là, il va te dire, regarde comment il va procéder, regarde la procédure maintenant, comment il faut refuter ce genre de choses, de mots, et de choses aussi, oui, on peut le dire. Fal-awwal, vas-y, lis. La première orientation du bas est nulle. Bah oui, ça c'est sûr. Pourquoi ? Parce que l'orientation du bas, c'est quoi ? C'est une, entre guillemets, une description c'est une chose d'imperfection, c'est une description d'imperfection. T'as compris ? C'est pas parfait ce qui est en bas. Dans le aql, c'est vrai, c'est plus. Ce qui est parfait dans le aql, c'est quoi ? C'est ce qui est en haut. En haut. La première intention du bas est nulle parce que cela nie l'élévation d'Allah, le Très-Haut, qui est attesté par le Coran, la Sunna, la raison, la prédisposition naturelle. Oui, la fitra, quoi. Bon, moi, pourquoi je t'ai parlé ça directement, te parler par le aql ? Parce qu'on l'avait vu la dernière fois. Le aql n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Le Coran et la Sunna, ils y croient pas trop, on dirait, ces gens-là. Parce que malgré qu'on leur dit que dans le Coran et dans la Sunna, donc à la fin, au minimum, avec le aql, est-ce que vous l'acceptez ? Et la fitra, pourquoi elle l'accepte pas ? On l'a vu dans le dernier cours. Je sais pas si tu l'écoutais le dernier cours, on a parlé de la fitra. La fitra, pourquoi ? Parce que la fitra, lorsque tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, hein, ton cœur, il se dirige vers où ? Vers le ciel. Et khalas, alors. Et après, on a raconté l'histoire. Hayyarani l'Hamdani. Il m'a troublé ce Hamdani. Parce qu'il lui a dit, regarde, il lui a dit, pourquoi on ressent ça alors dans le cœur ? Que notre cœur se dirige directement vers le ciel au moment où quoi ? Au moment où on fait dua. Donc en vérité, on est créé comme cela. Et Allah nous a créé pour l'acceptation du fait qu'il est au-dessus de cieux, subhanallah. Et l'ijma', tous les sahabas sont d'accord. Hein. Voilà. La deuxième, la représentation du haut qui embrasse Allah est également nulle. Parce que Allah est si grand qu'aucune chose parmi ses créatures ne peut le contenir. Personne ne peut contenir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair ça. Ben alors pourquoi vous venez avec ce genre de choses? Vous êtes imaginé encore quelque chose. Comment vous imaginez quelque chose qui est invisible, que vous ne voyez pas? Alors que lui-même vous l'a interdit. Lui-même, Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a interdit cela. Alors pourquoi vous l'imaginez? T'as compris? N'importe quoi ça. La troisième, l'orientation du haut qui ne peut embrasser Allah est vraie parce que Allah, le très haut, est effectivement très haut au-dessus de sa création et rien parmi ses créatures ne peut le contenir. Voilà. La preuve concerne cette règle vient du Coran, de la Sunna, de la raison et de la raison. Quant au Coran et la Sunna, il y a... C'est à moi de lire ça là. Je vais le lire en arabe. Et je finis la page avec ça. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله تعالى فآمنوا وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة في تبيان القرآن وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيها فيما يجب أن يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في القرآن والسنة. Bon, finis cette page là, vas-y. Donc, dernière القاعده, vas-y. Quant au Coran et la Sunna, il y a entre autres sa parole à Azzawajal. Ceci est un livre. Nous l'avons fait descendre en tant que bénédiction. Suivez-le et craignez. Certainement, il vous sera fait miséricorde. Pourquoi? Alors, regarde. Là, ce qu'il faut que tu retiennes dans ce verset-là, c'est « Fattabi'u, suivez-le ». Suivez-le. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Pourquoi? Parce que c'est ces preuves-là qui affirment un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit le suivre. T'as compris? Ça veut dire que si quelqu'un nous dit « Oui, mais pourquoi j'ai pas le droit au aql, moi, dans ça ?» Tu lui dis parce que laïsa kamithlihi shay. Tu lui dis parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dit ce que tu dis. Et que tu es en train d'inventer des choses. Et qu'il y a un autre verset qui dit wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne dis pas des choses sans science. Hein? Ça, on l'avait vu ça. Hein? Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Et de dire des choses sur Allah alors que vous ne savez pas. D'accord? Ça, on les avait vus au départ, ces versets-là. Ces versets-là qui prouvent l'interdiction de parler sur les sifats d'Allah par la raison humaine. D'accord? Voilà. Et surtout, le fait qu'il y a ce texte-là qui nous prouve qu'il faut suivre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et non pas ta parole à toi, et non pas ton aql. Mafoum? Taïb, continue. croyez en Allah et en son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en sa parole. Suivez-le, certainement vous serez guidés. Voilà, en suivant la parole d'Allah. Continue. Notre verset, ce que le messager vous apporte, prenez-le, ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Est-ce que le prophète sallam wa hacha, il nous a permis de placer notre raison là-dedans? Non. Voilà, taïb. Verset, celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Mais celui qui se détourne, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme protecteur. Non, c'est ça. Continue. Verset, si vous disputez sur une chose, référez-la à Allah et à son messager. Si vraiment vous avez cru en Allah au jour dernier, ceci est le meilleur et la plus belle des interprétations. Voilà, si par exemple on diverge sur une chose, on doit revenir vers qui? Vers Allah et vers son prophète, alayhi salatu wasalam. Il va expliquer ça. Continue. Verset, et jugez entre eux avec ce que Allah a fait descendre, et tu ne dois pas suivre leurs passions. Voilà. Donc ça, suivre les passions humaines, ou interpréter les choses par la raison humaine, à la fois par la raison humaine, ça fait partie des passions. La preuve, c'est quoi? C'est que, comment ça se fait que les Asha'ira ne sont pas d'accord avec qui? Avec le Mu'tazila. Et comment ça se fait que le Mu'tazila ne sont pas d'accord avec qui? Avec le Jahmiya ou la Asha'ira ou le Maturidiya ou le Karramiya, etc. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que justement, vous avez donné une place trop grande à cette raison humaine qui n'a créé en réalité que divergence et séparation et division et fanatisme. Alors que si vous étiez resté comme le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que le sahaba, c'est-à-dire les sahaba lorsqu'ils ont eu ces textes-là et ils les ont compris d'une manière saine, d'accord, vous seriez unis sur cette chose-là et non pas autre chose, comme vous l'êtes là maintenant. T'as compris? Ben fou, hein? Ça unit aussi ça. C'est-à-dire que c'est eux qui ont divisé la umma. Ce n'est pas Al-Sunnah. Al-Sunnah sont unis sur cette croyance. Voilà, continue. Il y en a d'autres qui spécifient l'obligation de croire à ce qui est rapporté dans le Coran et la Sunna. Tout texte spécifiant l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans le Coran signifie par là même l'obligation de croire en ce qui est rapporté dans la Sunna. Car il y a dans ce qui est rapporté dans le Coran l'ordre de suivre le prophète et de se référer à lui en cas de dispute. Se référer à lui signifie de référer à lui, signifie de se référer à lui durant sa vie et à sa sunna après sa mort. Voilà, c'est ça que veut dire le verset. Ça veut dire que tu reviens vers le prophète alayhi salam durant sa vie. Le fait que les sahaba avaient compris ces textes-là de manière saine, ils n'ont pas eu besoin de revenir à lui parce qu'ils ont compris directement par quoi les sakamitliyeshay. Voilà, ils n'ont pas interprété, ils n'ont rien dit. Eux, ce qu'ils disent, c'est shayatin. Ah, les shayatin, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non. Ils disent c'est haut. Ils disent que les sahaba l'ont compris d'une manière figurée, au sens figuré. Et c'est pour ça que eux, la première des choses qu'ils font à l'USH, là, l'IESH, la première des choses qu'ils t'enseignent, c'est de dire qu'il y a le majaz. Dans la langue arabe, il y a le majaz. Et que les sahaba, lorsque des fois ils parlaient avec le majaz, etc. Il y a une différence entre dire que c'est un style de parler, c'est une manière de parler, dans certains contextes, comme dire par exemple et interroge le village. Toi, tu vas pas interroger les murs et les tu vois, ainsi que les portes, etc. Tu vas interroger les gens du village. C'est ça que veut dire. Mais ça, n'importe qui le comprend. Ça veut dire que ça existe même dans la langue arabe. Il y a aucun échec. Mais de dire que c'est un sens figuré, oui, dans ce cas-là, dans la langue arabe. Dans ce cas-là, si vous voulez le dire, dites-le dans le nom des attributs. Ce qui voudrait dire, si vous dites ça, cela veut dire que, en réalité, le din, la religion, et surtout ce chapitre-là, les asma aussi faites, c'est des devinettes, c'est une charade. C'est vrai ou c'est faux? Bah oui, parce qu'à la fin, si vous nous dites ça, bah, chacun va deviner comme... Donc en fait, on est libre de croire ce qu'on veut. Et d'où aussi la place sanctifiée et sacrée que vous avez donnée à quoi? À la raison humaine. Mais la plus grande des contradictions, et le plus grand problème, Où c'est qu'il va se situer ici? C'est lorsque vous êtes en divergence vous-même avec qui? Avec vos cousins, les Mu'tazila, ou les Asha'ira, ou les Karramiya, entre vous. Vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? Parce que vous avez placé le aql au-dessus de tout. La raison humaine. Or que la raison humaine, ici, elle n'a pas sa place. Ici, la raison humaine doit suivre, doit se soumettre au texte, sans aucune interprétation. Pourquoi? Parce qu'en interprétant, celui-là ne va pas être d'accord avec le aql de Zayd, ne va pas être d'accord avec le aql de qui? De Amr, etc. Donc il y a eu un aql qui était sain. C'est celui de qui? Des sahaba, radiyallahu anhu. Eux, ils ont été unis sur une seule chose. C'est quoi? C'est le fait de ne pas interpréter les textes. Pas de tahrif dans les textes. Pas de quoi? De ta'til, pas de négation. Pas de temthil, pas de ressemblance. Et quoi? Et pas de takif, et pas de comment. Et ces quatre ta, entre guillemets, hein, ces quatre choses qu'on vient de citer, sont les grands interdits dans les asma wa sifat. Et si vous voulez le délil de ces quatre choses-là, on peut vous les apporter par le Coran et par le Sunna. C'est pas un problème. Donc tout ce qu'on va vous le dire, on va vous le dire avec le Coran et la Sunna. Mafhoum hadha? Continue. Où est la foi en où est la foi en le Coran de celui qui est orgueilleux à vouloir suivre le messager alors que s'y référer est ordonné dans le Coran? Subhanallah. Où est la foi en le Coran de celui qui ne soumet pas sa dispute au prophète al-Salam alors que Allah en a donné l'ordre dans le Coran? Où est la foi en le messager ordonné par le Coran pour celui qui n'accepte pas ce qui est rapporté dans sa sunna? Subhanallah. Allah a dit: nous avons fait descendre sur toi le livre afin d'expliquer toutes choses. Voilà, donc il a expliqué toutes choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas laissé ce chapitre-là, entre guillemets, hein, tout ce qui est à ce moment aussi fait, comme si c'était une charade. Non, astaghfirullah al-azim. Hacha, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Eux, c'est ça qu'ils veulent dire. Puisque en disant ça, en sanctifiant et en vénérant cette place qui a le aql chez eux, qui est devancé au texte, puisqu'ils le mettent au deux, hein, eux ils l'ont mis devant les textes. Yunqaddim al-aql ala an-naql, c'est ça qu'ils disent. Tayyib, puisque Allah nous a parlé avec un langage qu'on doit comprendre, le aql c'est le support avec lequel on va comprendre, d'accord. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu peux pas le comprendre avec un aql qui est différent de, hein, avec des uqul entre guillemets différents. T'as compris? Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas laissé ce chapitre là d'Asma wa Sifat, hein, n'a pas laissé de points d'interrogation ou de choses qui ne pourraient pas être comprises ou assimilées. Non, bien au contraire, il a bien montré cette chose-là, il a bien montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait l'adorer de la manière, hein, qu'il faut à travers la sunna du prophète alayhi salatu wasalam, et il a bien montré qu'il ne fallait pas, il n'avait aucune place au aql dans ce chapitre-là. Bien au contraire, le aql ici doit se soumettre et ne pas faire ce que ces gens-là font. Continue. Il est connu qu'un grand nombre de points de la religion, que ce soit des informations ou des pratiques, leur explication se trouve dans la sunna. Leur explication par la sunna fait partie de l'explication du Coran. Quant à la raison, nous disons que pour détailler le discours concernant ce qui est obligatoire ou interdit, ou bien ce qui est permis lorsqu'il s'agit du droit d'Allah, Azza wa Jal, parmi les choses de l'invisible, que l'on ne peut percevoir avec la raison, il convient pour cela d'avoir recours à ce qui se trouve dans le Coran et la Sunna. Ça, c'est aussi le aql qui le prouve. La raison saine prouve que tout ce qui est du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça rentre dans le tawhid, ça. D'accord, le tawhid l'asma aussi fait. Donc c'est du droit d'Allah, ça, là. Et ça fait partie également du raïb, de l'invisible. Donc, est-ce que la raison saine peut rentrer dans le domaine de l'invisible? Non. Dans ce cas-là, c'est eux qui ont inventé l'ordre et qui décident du dîn qu'ils veulent. C'est vrai, c'est faux. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. C'est que le dîn des Asha'ira, c'est pas le dîn de qui? Des Mu'tazila et vice-versa. T'as compris? Même dans la pratique. Même dans la pratique. Ah bah oui. Ah bah oui. Ils sont d'accord sur certains points, comme ils sont en désaccord sur d'autres. Mais toujours dans... Et ça, c'est que dans quoi? Que dans les noms et les attributs. Alors imagine-toi le reste. On parle même pas du reste. À partir du moment où vous n'êtes même plus d'accord, hein, et que vous venez ensuite parler dans l'invisible, dans le tawhid et asma aussi fait, vous osez parler sur Allah. Mais qu'est-ce qu'a fait les Yahoud? Et qu'est-ce qu'ont fait les Nasara? C'est exactement la même chose. Ils ont dit qu'Allah avait un enfant. Ça, c'est l'aql qui les a poussés à dire ça. C'est vrai, c'est faux. Ils ont dit comment un homme pur comme Isa, alayhi salam, etc., hein, peut être comme ça si ce n'est pas l'enfant de Dieu. Allez hop. Voilà. C'est l'aql qui les a poussés. Mais l'aql quoi? La raison saine? Non. Ça, c'est une raison qui a été polluée par d'autres croyances, ça c'est sûr. D'accord? Donc, il n'y a aucune place à la raison dans ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'invisible. Et nous, parmi les sifats des croyants, c'est de croire en l'invisible et en s'y soumettant, hein, le plus possible. D'accord? Comme Allah dit, Alif lam mim dhalika al-kitabu la raiba fi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaib. Nous croyons en quoi? À l'invisible, au ghaib. Est-ce qu'on vient, on ramène notre aql dans le ghaib? Non. Le aql, la personne qui est raisonnable, ne ramène pas le aql, ne ramène pas la raison dans le ghaib. C'est ce qu'il veut dire ici, cher. Ah, non. Ben oui. En plus, il te le prouve avec le Coran et la Sunna. Le Coran te dit de suivre le Coran, de suivre la Sunna, de suivre le prophète. Et que s'il y a un nizar, que s'il y a une divergence, revenir au Coran et à la Sunna. Là, nous, on a un nizar avec vous. Nous, là, à la Sunna, nous avons un nizar avec vous, les Mubtadi'a. C'est quoi le nizar? C'est l'asma aussi faite. Est-ce qu'on a le droit de placer, hein, d'affirmer un nom ou un attribut, plutôt un attribut ici, avec quoi? Avec le aql. Est-ce qu'on peut? Non. Pourquoi? Parce que ça fait partie du ilm al-ghaib. N'attribue pas une chose à Allah subhanahu wa ta'ala. N'attribue pas, c'est-à-dire un attribut, hein, sans preuve. Et ça, c'est la logique même. Mais même leur logique, elle est partie. Même leur logique à ces gens-là, elle est partie. Il n'y a pas longtemps encore, il y en a un, il est venu, en étudiant dans cet institut-là, l'institut des Asha'ira, là, il a tout avalé. Tout ça. La première des choses, ils m'ont dit quoi? Majaz, le Tarout, que Ibn al-Qayyim justement cite. La deuxième des choses, c'est que on est obligé de faire devancer le aql au naql. Exactement tous les cours qu'on fait. Même Bilal m'a dit, c'est exactement les cours qu'on fait. Et à la fin, il a la aqidat al-Sha'ira. Ça y est, c'est rentré. Je me souviens que... Allah al-Musta'an, subhanakallah.